Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie à l'âge de pierre. Au tout début de notre ère, Z et O, deux chasseurs-cueilleurs, pas vraiment dégourdis, sont bannis de leur village natal. Feignants, peureux et incapables de chasser, les deux compères se retrouvent livrés à eux-mêmes dans un environnement particulièrement hostile. Faites un saut, un grand saut dans le passé, jusqu'à l'an 1, quand les hommes étaient des hommes. Dis-moi qui pourrait résister à ça. Attends, laisse le charme agir. Ah, c'est aujourd'hui que je me lave les cheveux. Tu les as lavés l'année dernière ? Pour impressionner des femmes. Tu la traînes à ta case. Et si jamais elle résiste, tu lui donnes une légère tape sur la tête. Aïe ! Les femmes sont sensibles à ça. Z et O, ce soir c'est festin, vont prendre la route pour devenir des hommes modernes. On va carrément trop vite. Une idée, vous autres vieilliers. D'où vous débarquez, en gros? Vous n'êtes point vieilliers depuis Sodome et Gomorre. Leurs femmes sont des chiennes. Elles exposent leur intimité et n'importe quel homme peut les connaître. C'est marrant, il est où le mauvais plan? Deux héros vont prendre tous les risques. Non, ne les tuez pas! Ne les tuez pas! Pour s'envoyer en l'air. L'an 1, des débuts difficiles. Une comédie d'Harold Ramis avec Jack Black et Michael Cera. Un DVD SPHE.